Conseil de beauté. Les femmes, une fois par jour, les hommes, une fois par jour. Pour avoir des lèvres attrayantes, dites des paroles de bonté. Pour avoir de beaux yeux, recherchez le bon dans les autres. Pour perdre du poids, débarrassez-vous du stress, de la haine, de la colère, du mécontentement et du besoin de contrôler les autres. Pour améliorer vos oreilles, écoutez la parole de Dieu. Plutôt que de vous focaliser sur les épines de la vie, sentez les roses et comptez vos bénédictions en étant reconnaissant pour chacune d'elles. Pour votre posture, marchez avec la connaissance et l'estime de vous-même. Pour renforcer vos bras, enlacez au moins 3 personnes par jour. Touchez quelqu'un par votre amour. Pour renforcer votre cœur, pardonnez à vous-même et aux autres. Ne vous inquiétez pas et ne vous dépêchez pas autant. Plutôt que de marcher sur cette terre légèrement, marchez fermement, avec détermination et laissez votre trace. Si vous le faites quotidiennement, cela fera certainement de vous une personne plus belle.